Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Bashakata. Alléluia. Alléluia. Merveilleux nom. Ce nom qui renverse les forteresses. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie pour nous ce soir. Jésus, tu as. Seigneur, mon rêve, c'est toi que, Seigneur, chante avec moi, Jésus. Vous à qui on... seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot pour tous ces cœurs brisés. Dis seulement un mot, ton peuple sera guéri. Oh Seigneur, à qui irons-nous? Nous acclamons ta merveilleuse présence. Alléluia. Nous acclamons ta merveilleuse présence. Alléluia. Car nous n'avons point de Dieu à acclamer. Alléluia. Nous n'avons point de Dieu à acclamer ce soir. Tu es l'unique qui mérite l'acclamation. Alléluia. Tu es l'unique qui mérite un cri de triomphe. Tu es l'unique qui mérite un cri de triomphe. Nous voulons t'élever. Jésus. Oh. Alléluia. Oh, Satan, Yabashat, Bébé.